La mort sur s'approche, en déduire une mort proche. Je vais pas gâcher ma vie, ils sont trois, croire en moi et personne je n'oublie. Chacun sa voix, la mienne c'est l'ennui. Je me sers de ma voix, celle qui me nourrit. Et j'ai la dalle, j'ai faim, ça ressemble à l'Éthiopie. Plus mon ventre est vide, c'est la rime qui subit. Avide de tout sentiment quand je mors, c'est jusqu'au sang. Quand je m'en sais jusqu'à la mort et me sers d'elle pour faire mon pain. Beaucoup diront que c'est malsain. La mort sur des tiens, fort sur certains. N'aie pas peur et affronte-la comme un homme. En somme, n'oublie jamais ce que nous sommes. Et ceux qui sont partis ou ont failli, ils hantent ta vie comme le fantôme du vieux château. Fais ta prière avant de monter là-haut. Si j'y pense, c'est que la sentence doit être dure. Qu'ils s'approchent et ressentent la morsure. La morsure gagne à tous les coups. De 10 secondes à 120 ans, mais jusqu'au bout, c'est plus décent. T'auras beau te planquer pourtant. Attends la morsure, le venin et le serpent. La morsure gagne à tous les coups. De 10 secondes à 120 ans, mais jusqu'au bout, c'est plus décent. T'auras beau te planquer pourtant. Attends la morsure, le venin et le serpent. Canet planté à celui que le froid va geler. Et celui qui balaye à tendance cardiaque. À Nico et Pablo qui ont fini dans un sac. À mon poteau t'es en vrac qui a fini en tonneau. Au plus vite engagé mort au champ de bataille. Au braco qui a mal tourné et ça défouraille. Aux hommes nord d'Afrique qui règlent leur compte à la hache. Aux ricains sans fric qui mettent leurs fils dans des bâches. Révolutionnaires engagés qui sont pas morts comme des lâches. Extrémistes gangrénés qui ont fini dans des crashs. Minorité musulmane contre la Russie les calaches. Extermination des colons on tue 4 millions d'apaches. L'Allemagne et son gaz abat les juifs pour commencer. Hiroshima jamais gravé. Réponse des States pour les Japonais. Les monarchies actuelles qui n'arrête pas de tuer. Pays de l'Est assiégé, c'est pas fini d'enterrer. L'Algérie sa face cachée, les vrais barbares sont les Français. Je pourrais continuer mais je préfère m'arrêter de peur t'effrayer. La fuite comme une délivrance, mais pour combien de temps la mort sera ta sentence. Quand viendra le moment à l'usure, t'auras beau te planquer pourtant mais c'est sûr. Personne n'évite la morsure. Personne n'évite la morsure. La morsure gagne à tous les coups. De 10 secondes à 120 ans, mais jusqu'au bout, c'est plus décent. T'auras beau te planquer pourtant. Attends la morsure, le venin, le serpent. La morsure gagne à tous les coups. De 10 secondes à 120 ans, mais jusqu'au bout, c'est plus décent. T'auras beau te planquer pourtant. Attends la morsure, le venin, le serpent. La morsure. La mort sur comme une fin de partie, je mène la vie dure et j'ai la mort comme ami. Trahi par la scène, j'ai dû choisir le mauvais rôle. Acteur à deux scènes, j'ai la tête contre le sol. Au-dessus un flingue, j'aurais dû changer de rôle ou de vie. Certains recollent les morceaux avec un garrot ou une aiguille. Ça changera rien, la mort comme seule envie. La pompe te taquine ou la bonbonne de cocaïne. Évasion éphémère, c'est pas toi qui va me la faire. Tu fais qu'amorcer ta mort. T'auras beau pleurer ton père quand Satan viendra chercher ton corps. Reviens pas croiser le fer, le diable est bien trop fort. Crois-moi, je l'attends sa mère pour venger tous ses corps. Qu'il se retourne face à prière, moi je suis déjà mort. Même si je perds à tous les coups, ça me rend de plus en plus fort. Ma dernière balle, mon dernier coup, le sang ne coulera plus à tort. Le sang ne coulera plus à tort. Le sang ne coulera plus à tort. La morsure gagne à tous les coups. De 10 secondes à 120 ans, mais jusqu'au bout, c'est plus décent. T'auras beau te planquer pourtant. Attends la morsure, le venin et le serpent. La morsure gagne à tous les coups. De 10 secondes à 120 ans, mais jusqu'au bout, c'est plus décent. T'auras beau te planquer pourtant. Attends la morsure, le venin et le serpent.